bienvenue à tous, nous sommes de retour sur Fruits de la Station, épisode numéro 5. Et la particularité de cet épisode, il y en a plusieurs. Nous avons changé d'endroit, nous ne sommes plus chez ma grand-mère, dans le cabanon de mamie Bouze. Moi ça m'a un peu chamboulé, je dois vous le dire. Nous sommes à Nantes et on en reparlera bientôt. Nous sommes surtout avec quelqu'un d'autre. Une troisième personne. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter, mon cher ami ? Bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Très heureux de vous retrouver. Je suis un peu tout émoustifié, bien sûr. Je vous suis depuis. Émoustifié quoi ? Émoustifié. Émoustifié. Oui. Très bien. Vous êtes émoustifié. C'est une tradition nantaise. C'est quelque chose qui se découle. C'est quelque chose qui se mange ? Ça se mange. Ça se lèche surtout. Et parfois ça finit dans les toilettes, évidemment. Très bien. Oh là, vous êtes prêts? Attends, l'humour de cette personne. Attendez. Okay, voilà. Attendez. C'est une très bonne introduction au final pour me présenter. Mais est-ce que vous avez donné votre nom? Non, et je vais le faire tout de suite. Ouais, les gens vont comprendre pourquoi cette. Bref, je m'appelle Eugène de mon prénom et Balek de mon nom de famille. Eugène Balek. Eugène Balek. Voilà, bienvenue, Eugène Balek. Merci. Prix de la station, saison 5 à Nantes, en direct de Nantes, j'ai envie de dire. En direct de Nantes. Du Zénith. De Nantes. Ouais, du Zénith de Nantes. Ouais. Oui. On est pas loin, on est à quoi, 6 km? À vue d'œil, oui. Sur Google Maps. Eh bien, donc, sachez que Eugène Balek, on est très heureux de vous rencontrer. Alors, merci. Comment on pourrait le décrire un peu? Est-ce qu'on est. Eugène Balek? Ouais, moi j'aurais envie, si je peux me permettre, de m'auto-poser la question. Pour moi, c'est un peu le Ryan Gosling nantais. Oh la vache! Le Ryan Gosling Lidl, mais qui a quand même. Ah oui, Lidl, okay. Oui, mais Lidl, mais c'est gentil quand même. Qui achète des perceuses Silver Crust et. Et oui, mais qui a quand même la classe. Mais qui a un petit peu changé depuis quelques temps, parce que Eugène Balek, particularité qu'il n'avait pas avant, c'est laissé pousser la barbe. Ouais. Vous avez rendu compte? Parce que Ryan Gosling n'a jamais osé faire de mémoire. Non. Non, parce qu'il est pas très. Mais une raison à ça aussi, c'est parce que les gens me croisent constamment, me disent s'il vous plaît, je peux avoir un autographe. Et moi, ça me gonfle. Donc, du coup, bim! Anonymat le plus total. Voilà. C'est pareil, on m'a encore demandé, on m'a dit Jean-Ben Guigui, un autographe s'il vous plaît. J'ai dit non, j'ai ma personnalité. Je suis Richie Boo, s'il vous plaît, laissez-moi vieillir. Moi, okay, c'est pareil. J'ai perdu mes cheveux très tôt, comme je l'ai déjà dit. Mais un petit peu de surpoids, constamment. Marine Le Pen. J'ai dit non, stop, arrêtez. Je suis Jean-Pierre Bernaud, laissez-moi tranquille. Donc, nous sommes à Nantes. Oui. À Nantes, comment on pourrait décrire un peu cette ville? J'ai envie de vous poser une petite question, un petit peu à la bonne franquette. Oui. Un endroit, quelque chose que vous aimez à Nantes, pour que ceux qui connaissent la ville aient un peu envie de se rappeler, de retourner à des endroits, et que ceux qui la connaissent pas aient envie de la découvrir. Eugène Balek, comment c'est un endroit que vous aimez à Nantes? Quelque chose qui vous fait aimer cette ville? Un endroit que j'aime beaucoup, c'est l'île de Nantes, du côté des machines de Nantes, où il y a la grue Titan en jaune, il y a la Loire qui passe juste à côté, où il y a le hangar à bananes, on peut aller boire des bières, regarder des bateaux qui passent, c'est très agréable. C'est un endroit que j'affectionne beaucoup, aimant la mer, aimant les grues, et aimant les éléphants. Il y a surtout des gros éléphants en bois qui passent, et ça, c'est vraiment typique de Nantes. Et d'ailleurs, on embrasse Michel Galagru. Ah oui! Salut Michel. Ça commence. Bravo. 5 minutes d'enregistrement. Merci bravo. Beaucoup, Eugène. Jean-Bierre, quelque chose que vous aimez à Nantes? À Nantes? Alors, moi, en plus, qui ne connais pas du tout cette ville, j'y suis pas venu très souvent. Comme moi avec votre émission. C'est vrai. On fera un point là-dessus, vous inquiétez pas, on va pas vous louper, Eugène. Moi, j'adore la Fnac de Nantes. Ah. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Elle est très très sympa. En plus, c'est un bâtiment magnifique qu'il abrite, c'est vrai, ça en plus. Et voilà, donc c'est vraiment le seul endroit que je connais à peu près à Nantes. Mais vous parlez de l'extérieur du coup du bâtiment? Non, l'intérieur. L'intérieur vraiment. Avec... Ouais, l'intérieur, vraiment. Quelle est sa différence du coup? Avec les une autres Fnac, Fnac standard. Ouais. J'aime bien, c'est tout. Je saurais pas l'expliquer, c'est très une atmosphère, bien. C'est vraiment quelque chose de chaleureux, quelque chose que. Voilà. Et beaucoup. Un rayon en particulier? Le rayon cuisine au beurre. Grâce à tu. Le cuisine le au beurre de surimi pâté. Chez Larousse. Voilà, c'est et tout pour moi. Bien. Merci. Mais j'espère que ça donnera envie. On reviendra de... sur ce que j'aime à Nantes après, mais c'est pas vraiment un lieu, c'est plutôt. On voilà. aime tous quelque chose. À Nantes? Bien sûr, un endroit. Moi j'aime bien Eugène, mais ça s'arrête là. Hein, Eugène, vraiment. Il est beau gosse. Eugène, là, vous l'avez dit, le Ryan Gosling nantais, c'est quand même pas rien. Là, nous sommes à, on peut dire à peu près où nous sommes situés, pareil, pas trop loin de la Loire. Oui. Pas trop loin de la Loire, des chantiers. Oui. Des chantiers. On a longé le quai de la Fosse. Hein, on a longé le quai de la Fosse. Ouais. On va donner votre adresse hein, de toute façon non, voilà, non, pour non, les non, fans. Non. Et il y a un endroit moi, que j'aime tout particulièrement puisque vous me posez la question. J'ai envie de vous en parler un petit peu. Pardon, Richie Bouze, bon, votre endroit grave, préféré à Nantes. Je me sens pas très bien m'accepter, mais c'est pas grave. Je te rappelle quand j'étais merci, petit. Merci Eugène. Allez-y, Richie. Vous n'avez pas une question à me poser ? C'est quoi, Richie, que vous avez fait cette semaine ? Alors moi, l'endroit que j'aime beaucoup à Nantes, c'est la Fnac. Ah. Car on peut payer par carte bancaire, par chèque en liquide. Les caissières sont vraiment au top. Ils acceptent plus trop les chèques maintenant. Non, non. Il y a, pas de rien ici, le musée d'Aubray. Oh là oui. Là. Attendez, je vous parle pour visualiser. Okay. Dans ce musée d'Aubray, il y a un petit parc à côté. D'Aubray ? Ouais, il y a un petit parc à côté. Et dans cet endroit... Un parcounet ? A été jugé, il y a une tour où j'allais souvent me recueillir, où a été jugé la personne qui est considérée comme le premier tueur en série français. En 1440, Gilles de Rais a été jugé à quelques... C'est Gilles qui vous fait rire. Oui, exactement. A été jugé à quelques centaines de mètres d'ici. Il avait été jugé pour sodomie. Il avait tué à peu près 150 enfants. Il a été jugé au 15e siècle. Il les a tués pas tous. Non, il en a tué d'autres avec une matraque. Nicolas Canteloup, on t'embrasse. Big up à ton humour excellent. Très bien. Non, mais donc je crois qu'on a tous donné aux gens envie d'aller voir Nantes. Ils aiment l'esclavage. Oui, avec ça, oui. Ils aiment l'esclavage, le commerce triangulaire. À ce propos, le commerce triangulaire, oui. Est-ce que vous allez peut-être pouvoir me répondre, Eugène, étant donné que moi j'ai quitté Nantes maintenant, pour ceux qui me suivent un peu, pour mes fans. C'est sur ta page Facebook. Ceux qui ont acheté ma biographie, ma vie, mon œuvre aux éditions Plomb. À la Fnac. Qui est à la Fnac. La seule Fnac. Il y avait un restaurant, je trouvais ça d'assez mauvais goût, qui était sur quai de la Fosse, qui s'appelait le Nez Grillé. Et... En deux mots, un nez grillé, quoi, comme le nom des bateaux qui transportaient les esclaves. Ah, ils ont vraiment fait le jeu de mots, voilà. Nez grillé. Et, très drôle, ça. Très, très, c'est limite, c'est quoi. Un certain Nicolas C, Nicolas Canteloup, qui est propriétaire du restaurant. Vous savez? Eh ben, non, pas du tout. Non, je suis jamais allé. Non. Et qu'est-ce qu'ils servent là-bas? C'est de mauvais goût? Je crois pas. Non, mais c'est un très bon restaurant. Ah ouais, la cuisine est standard, mais ils ont nez grillé, c'est un peu limite, quand même. Voilà, c'est un peu limite. Bah, les restaurants. À Nantes, on en parlait tout à l'heure, il y a des restaurants. Assez atypiques. Est-ce qu'on en parle maintenant ou pas ? On peut en parler maintenant. Alors oui, juste avant l'émission, Richie nous parlait d'un restaurant qui a une certaine particularité à Nantes. Donc on a fait une recherche pour bien vérifier tout ça. Et il s'avère que c'est vrai. Donc Richie, je vous laisse développer. Donc c'est une idée qui est assez originale, qui est ma foi assez sympathique et qui marche beaucoup. C'est un restaurant. La particularité est que tous les serveurs sont trisomiques. Il s'appelle Le Reflet à Nantes et ça marche beaucoup. Alors par contre, est-ce qu'on sait pourquoi Le Reflet ? Ça a oui, aucun rapport oui, avec... Non, ah. Parce que c'était les trisomiques ont un très petit conduit gastrique. Et ils ont souvent des reflux gastro-œsophagiens et du coup, ils ont appelé ça Le Reflet. Mais c'est un petit aparté comme ça. C'est un petit apartheid, hein. Tout à fait. Voilà, troisième fois dans cette émission. Et bien voilà, petite introduction sur Nantes qui fait bien plaisir quand même. Est-ce qu'on peut un peu décrire, parce qu'on est à Nantes, d'accord, mais où est-ce qu'on se trouve à Nantes, l'endroit dans lequel on enregistre ? On tient à le dire, on est chez Eugène Balek, chez Eugène, quand même. Qui nous a recueillis, bonsoir. Parce que nous, on a la particularité dans cette émission d'inviter des gens, mais c'est nous qui nous déplaçons. Voilà. Et on invite des gens qui n'écoutent pas l'émission, on tient à le préciser. Et ça, Jean-Bierre l'a vraiment mauvaise, quoi. C'est-à-dire que j'ai un peu les boules. Les glandes. Non, mais c'est bon. Enfin, je la regarde sur YouTube. Vous, comme, vous êtes le seul. Comme tout le monde. C'est non, vous non. Le seul pouce. Et bon, je vous l'avoue, vous êtes le préféré de ma maman. Voilà. Ah, et, comme votre grand-mère. Elle viendra, votre maman. Oui. Avec ses beaux abricots, ça fera une salade de fruits de la station. C'est vos abricots bien juteux, comme j'aime à le dire. Est-ce qu'on enchaîne sur les jeux de mots avec les fruits? C'est possible, hein, parce qu'il y en a plein la corbeille. Hein. Allez-y, Eugène. La chronique de Gênes avec ses jeux de mots qu'il avait préparés. Fruits et humour, quand fruits et humour se rencontrent. Tout ça, c'est de l'improvisation. Saupoudré de talent. Mon papa viendra avec son ananal. Ouais. Oh, il y a même pas. Je tiens à dire que Richie Woods est particulièrement un enfoiré sur cette séquence. Et il viendra vous caresser avec son gros lit de chibre. Voilà. Litchivre. Le litchivre, j'aime beaucoup. Litchivre bouse. Litchivre bouse. Ouais, ça passe moyen, ça passe moyen. Il y a d'autres. Alors... Ça passe par les fesses. Voilà. Eugène. Eugène est là, on aime son Balek. Il dit quelque chose, c'est gênant, mais il sent Balek. J'espère alors, qu'il l'appartement d'Eugène, par quoi on peut le caractériser? Richie, je vous laisse commencer. Bah, alors, vous êtes trop. Voilà. Décrire ouais, l'endroit. C'est, le vôtre, c'est normal. Donc un appartement qui a la particularité. À la fois de n'avoir aucune fenêtre ni aucune porte, c'est-à-dire qu'on rentre par le bas, on est au 6e, 7e étage, on rentre par une trappe située sous la porte d'entrée principale, on remonte un conduit en rappel à base de baudrier à base de, c'est ça, à base de baudrier, de Benjamin Piolet pour planer, avancer. Oh là là, et on arrive directement une trappe et ici nous voilà. Donc pas de fenêtre, pas de porte et pas de lumière non plus. Surtout pas. C'est un peu une tortue ninja mais du ciel. Voilà. Exactement, exactement. Après le Ryan Gosling de Lidl, ça va aller de comparaison comme ça en comparaison, vous allez voir. Et si je peux me permettre de vous dire quelque chose, mes amis, quand je fais cette émission avec vous, j'ai un peu l'impression d'être un serveur trisomique au sein d'un restaurant dont les cuisiniers sont aveugles. Si je peux me permettre. Très bien, bah, merci pour ça. Cette intro est correcte ou pas? On peut commencer un petit peu l'émission? Moi je pense qu'on peut vraiment mettre les doigts dedans. Qu'est-ce qu'on fait en général? Bah écoutez, jeune vous qui écoutez l'émission, qu'est-ce qu'on fait en général pour débuter l'émission? Et bah d'abord... vous qui êtes un grand fan. Moment gênant. Et bah, c'est dommage parce que ma maman me l'a tellement bien démontré l'autre jour. Quand démontré parlé... Oui, oui gros quand parlé de son petit préféré. C'est... Non. Ça va être gênant. Trop gênant. Maman. Et donc on commence toujours par parler de ce qu'on aime et surtout de ce qu'on a vu cette semaine. Voilà. Je connais. Ah ben non mais c'est bon. Alors là franchement Jean-Bier Bernaud et Richie Bouze, langue de pute, hein, j'ai envie de dire. Parce que, bah surtout honnêtement surtout Jean-Bier. Jean-Bier. C'est moi. Oui. Alors on parle de cinéma, on commence de cinéma. J'ai envie de juste vous faire 2-3 notes. Vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. City of Stars. Are you shining just for me? Alors oui, ça me dit quelque chose. Continuez, vous avez une si belle voix. La La Land. La La Land. Ah oui. Alors, je l'avais au bout du nez. Vous l'avez vu? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Vous avez trouvé alors, ça comme... ensuite, Captain Fantastic. Alors, bon, on fait tous. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé La Plage avec Leonardo DiCaprio et Guillaume Canet. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'était bien ça. Ah oui, c'était génial. Alors, La La Land. On en a beaucoup parlé, ça a beaucoup buzzé. Oui. Vous avez aimé, vous avez pas aimé. On fait un petit tour de table. Maintenant qu'on est trois, il faut s'organiser. Voilà. Et ben, moi, je propose qu'on commence par l'invité chez qui on est. D'accord. C'est moi? Ouais. Merci. Et ben, je voulais pas aller le voir. Et parce que comédie musicale. Raciste! Non! Homophobe! Mais je voulais pas me voir, tu sais, pendant 2 heures, ça allait me gonfler. Quoi. Ah oui, c'est voilà, vrai. Voilà, une fois que vous avez tourné le film, vous passez à autre chose. Non, non, voilà. Ça, au bout d'un moment, j'aime pas me voir après un tournage. Et. Je suis pas un gros fan de comédie musicale, mais j'ai vu la bande-annonce qui m'a beaucoup plu. C'est vrai qu'il pleut dans cette bande-annonce. Et donc, dans la bande-annonce, on voit le travail monstrueux qu'il y a au niveau des chorégraphies et ça m'a décidé d'aller le voir. Non, j'avais beaucoup aimé donc Ryan Gosling évidemment. Bonsoir. Mais hello. Mais Emma Watson non, Emma Stone. Emma Watson qui devait faire le film. Oui, et ça aurait été tellement mieux. Vous savez pourquoi elle l'a pas fait? Parce qu'elle était dans Harry Potter 8. Non, parce qu'elle était trop pénible et qu'elle voulait changer le film et qu'elle voulait que les répétitions se passent à Londres. Sérieux? Oui. Mais c'est normal, mais moi écoutez, je suis tellement c'est fan de chieuse, cette personne. Quoi. Non. Mais de toute façon, elle danse pas, enfin elle a un ballet de Quidditch dans le cul quoi. Mais elle a un Imbus 2000 qu'elle aurait pas pu carrer au fond de la ronde. C'est impossible. Non, mais je suis non, tellement fan. C'est terrible de cette quand même qu'elle ait fait ses caprices comme ça à ce point-là. Mais elle rate un des meilleurs films de l'année. Deux meilleurs films. Alors voilà, moi je vais prendre le contre-pied. Allez-y. J'ai adoré La La Land. J'ai rentré. Non non, vraiment en plus j'ai trouvé ça très très bien. Alors moi aussi j'étais un peu réticent comme vous, comédie musicale, tout ça, ouais. Je m'en balèque un peu. Ouais. Jeune balèque, vous l'avez. Bonsoir. Et en fait j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors j'avais eu déjà l'occasion d'échanger avec Richie Booz là-dessus, qui m'avait en effet dit que des fois il y avait des grands moments. Donc en fait il y a beaucoup de danse et de musique au début, mais qu'après il y a tout un moment de 40-45 minutes où il y a quasiment aucune danse. Et vraiment j'ai trouvé ça pas mal. Alors après j'en ai beaucoup parlé autour de moi, notamment sur mon lieu de travail au McDonald's de la route du meuble à Rennes. Et les gens étaient assez partagés. Il y en a qui avaient beaucoup aimé et d'autres qui disaient ouais non mais moi je trouve ça assez naze, c'est vraiment une histoire cucu, l'histoire d'amour et on sait dès le début. En fait, et ce que je leur disais c'est que c'est complètement assumé et que enfin depuis le début de toute façon on sait que c'est comme ça. Et voilà, et que ça reprenait un peu aussi les codes des anciennes comédies musicales. Alors je suis pas un connaisseur là-dessus, mais je pense, et la transition exceptionnelle, attention, on commence à avoir l'habitude, que Richie Booz pourrait nous en dire un peu plus là-dessus. Bah bien sûr, moi j'ai trouvé ce film formidable, j'avais envie de le voir, j'étais pas forcément très réticent. Avec plus d'entrain s'il vous plaît. Seulement il y avait énormément en effet de buzz autour de ce film. Que souvent, en général, quand ça monte comme ça en crème chantilly, on a un petit peu envie de se dire c'est trop pour que ce soit honnête, quoi. C'est vrai. Quand tout le monde aime un film, c'est qu'il y a un problème parce que on aime bien que le cinéma ce soit un petit peu voilà, que ce soit matière à débattre, etc. Et que quand tout le monde ça aime quelque chose, en général, on se dit ça va être un peu fade. Un peu comme Taxi 4. Taxi 4 qui a fait l'unanimité et qu'en fait était pas, voilà, pas si foufou que ça, en effet. Et moi j'avais adoré, j'ai adoré La La Land, et en effet une histoire d'amour certes, mais une histoire d'amour cucu, je sais pas, après ça raconte une histoire d'amour. Si, un petit peu quand même. Enfin, clairement ils se rencontrent, le coup de foudre, ils se recroisent, ça se déchire. Une histoire ça... d'amour. Non, moi ça se passe pas comme ça. Mais non, mais parce que vous vous payez, ensuite elle va dans son camion, ensuite elle se nettoie la chute dans les votes. Et donc, La La Land, bah, moi, j'ai trouvé ça vraiment très romantique. Ah, il y a le droit. Et oui, tout est permis. Hein. D'accord, et... une certaine émission. Et voilà, et c'est vrai que je trouve pas ça cucu, ça termine un petit peu, c'est une fin un peu douce amère, ça termine pas en happy end. Alors ça, par contre, c'est le truc que j'ai bien aimé. C'est un peu leur rêve de star qui sacrifie leur histoire d'amour, et finalement. Qui les sépare, en fait. Qui les sépare, et je trouve que c'est qui donne encore un peu plus de profondeur au film. Voilà, c'est moi, ça m'a cueilli, en fait. J'ai l'impression que le film, même si on n'a pas envie de l'aimer, on le regarde, on est un peu pris par la main et on peut pas s'empêcher d'être avec eux et d'aimer le film, quoi. Et moi, je dirais gage de qualité parce que Whiplash aussi. Parce que Damien Chazelle. Oui, oui. Et quand même, c'est Whiplash qui est quand même mortel, moi, je trouve. Et du coup, La La Land, j'ai préféré Whiplash, pour le coup. Pour moi, c'est tellement différent que C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficilement comparable. C'est pas les mêmes codes, ouais. Et moi, quand je suis allé le voir, il y a donc c'est quelque chose d'émouvant. Les gens en passent un bon moment. Est-ce que vous avez versé une petite larme, Jeanne? Parce que moi, la personne avec qui j'étais, elle a versé une petite larme à la fin de ce film. Et ben, justement, j'allais dire ça. Pas moi, mais une personne au rang derrière qui a justement. Pensais qu'elle avait versé une petite larme, une lunette. Bah, c'était plus qu'une larme en fait. Elle chialait sa mère, quoi. J'avais l'impression qu'il y a eu un décès dans sa famille. C'était elle vraiment. Elle a reçu un SMS en fait. Ça n'avait rien peut-être. Avec je savais. J'étais partagé. Maman est morte. Ça va, ça va. Mais c'était vraiment à sanglots, quoi. Tout le monde s'est retourné. Les gens se demandaient vraiment s'il y avait un problème ou quoi. Mais elle pleurait sa mère, quoi. Oh, par contre, je dirais peut-être pas jusque là. Enfin, c'est émouvant, mais quand même, quoi. Elle est venue parler en tout cas. Je pense que c'est une personne qui avait des gros problèmes et qui, à mon avis, a mis fin à ses jours depuis. À mon avis, elle avait des problèmes dans sa vie, ça c'est sûr. Ouais, il y avait une mare de sang après. Je sais pas, je fais peut-être un rapprochement, mais c'est possible. Règle. C'est possible. Oui. C'est possible aussi. Donc, un film qui fait quand même une unanimité de notre côté. De notre côté, on est assez d'accord là-dessus. Et même pour des gens qui n'aiment pas forcément des comédies musicales, et ben c'est intéressant d'aller le voir. Il n'y a pas du chant du début à la fin. Il y a des gros plans quand même de chant, mais au bout d'un moment, mais qui sont tellement bien. Il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément souligné, mais que je tiens à préciser. Après, on s'en doute un petit peu rien qu'en voyant la bande-annonce, c'est la performance technique aussi. Parce que des fois, il y a des plans séquences de malade avec, je sais pas, enfin déjà le plan du tout début là. Alors il y a peut-être eu des coups dans les voitures là, pendant l'embouteillage, etc. Et c'est hyper bien monté, c'est fou. Et enfin, ça devait demander une préparation et un entraînement de malade. Et déjà rien que pour ça, le film est vraiment cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. C'est une des choses qui m'a plu aussi dans le film, c'est que justement cette première scène qui est très on en met plein la gueule, quoi, spectateur, ça danse de partout. C'est une des seules scènes qui est comme ça, un peu dans la tradition des comédies musicales, où tout le monde chante super bien, où ça chante dans tous les sens. Ryan Gosling, il chante pas extraordinairement bien, chante pas de façon extraordinaire. Je t'emmerde. Et c'est ça qui, je trouve, qui est fuck you, qui plaît peut-être aux gens qui aiment pas trop les comédies musicales, c'est que l'histoire prend le pas sur la performance de danse. Ou de chant, c'est l'histoire d'abord, et ça chante parfois quand il faut, et ça arrive pas tout d'un coup comme ça, et je trouve que c'est ça qui est intelligent. C'est vrai. Non, mais complètement. Et la performance de danse, comme vous dites, est incroyable. Ah oui, au tout début. Le boulot monstre qu'il y a dû avoir même les mouvements de caméra et tout. Enfin, moi, je n'y connais pas grand-chose en cinéma, mais déjà rien que là, c'est juste un plan séquence qui a été fait avec. Enfin, je compare à Transformers 4. Oui. C'est quand même vraiment mieux, quoi. Surtout que j'ai pas souvenir que ça chante énormément. Dans Transformers, vous avez pas vu la scène de fin? Non. Ah, c'est pour ça. Moi, je me souviens dans Quasimodo de Del Paris quand tu tires la cloche et qu'il saute en profondeur. C'était une cascade qu'il avait fait, Patrick Timsit l'avait fait lui-même. Oui, et on voit un petit peu le tapis au sol. Par les mains de Belmondo. Ouais. Le meilleur rôle de Mélanie Thierry au cinéma. Oui, Mélanie Thierry, c'est la personne que vous avez croisée dans le métro. Arrête. Genre Mélanie Thierry. Vous voyez qui c'est, vous? Mais il est fan de Quasimodo del Paris. Moi, il a dû me la montrer sur Google Images, sur Google Street View, même il l'a retrouvé. Non, je voyais pas qui c'était. Mais d'accord, très bien. Parfait. Bon, Eugène Balek, maintenant. On a fait le tour de La La Land, c'était il y a un petit moment quand même. Ouais, c'est vrai. Je me souviens que c'était le film que j'allais voir le lendemain de la dernière émission. Exactement. Et vu que Richie Booz m'a à peu près 6 semaines à monter une émission, quand cette émission sera diffusée sur Internet, petit tac, la tristesse dans le regard. Ça me fait beaucoup de peine, mais Eugène Balek. Bonsoir. D'autres films? Bah oui, on va en faire que trois, un par personne. Oui, voilà, il y a La La Land. Il en a peut-être un. Non, bah, forcément. Non, non, non, pas du tout. D'accord. Vous avez pas vu de film en ce. Alors, La Planète des Singes. Mais le tout premier. C'est le dernier film que j'ai été voir. Star Wars, mais celui des années 70. J'ai adoré. Pas de film, pas de film. J'étais voir un spectacle. Yann Cogenti. Non, un spectacle musical non plus. C'était. Désolé. C'était Philippe Catherine. Son dernier spectacle. Philippe Catherine chante Barbara. Non, c'est Depardieu. Ah, pardon. Qui chante Barbara. Oui. Non, c'était pas ça, juste Philippe. D'accord. Philippe Catherine. Voilà. Donc, allez-y. Et donc, c'était un spectacle donc, musical sous forme de concert, mais spectacle où les gens étaient assis à regarder le show, on peut dire. Et donc, c'était juste un duo avec Philippe Catherine. Racontez-nous un peu, parce que moi, je visualise très mal comment ça. Donc, c'était juste. Ils étaient deux. Donc, Philippe Catherine et une pianiste qui était là. Ah. Une pianiste très burlesque avec une putain de paire de hins. Et, ça fera venir tous les perves de l'Or Atlantique pour le prochain. Et ben, je leur recommande parce qu'il y a de quoi mater et de quoi manger. Et donc. Expertise musicale. Vous écrivez dans les Inrocks, vous, non? Oui. Non. Le magazine du Lavandier. Dans les Inrocks, plo plo. Ah non. Même celui-là, il est loupé. Oh, non. Donc, beau spectacle. Très beau spectacle qui est surtout basé sur le. Oui. Sur son dernier album, en fait. Qui est un album piano, voilà. Et donc c'est pour ça, il y a quelques reprises de vieux albums qui sont faits dedans, mais sinon c'est vraiment son dernier album qui est mis en spectacle, où on le voit d'un un mode burlesque, il y a des déguisements. Mais oui, ouais, c'est ça, qu'est-ce qui change d'un concert en fait, bah, standard. Il parle beaucoup avec le public, il est d'accord. Très touchant, il va intervenir, raconter des choses, vu que c'était un an que j'ai vu. Il pose ses mains sur les gens. Il est oui. Très touchant, c'est-à-dire il parle mais aux oui, gens. En plus, il a fait la reprise de sa chanson Des Bisous, et donc il se balade dans le public. Bisous, il a... Big Bisous non, Takatum, pas Carlos. Takatum. Non, non, non. Mort le 17 janvier 2006. Oh, wow, mais quelle culture. Non, c'est juste la une de Libération, quand Carlos est mort. C'est vrai. C'était le chanteur d'Oasis est mort. Mais non, c'est pas vrai, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle, mais tout le monde a cru que... Bref. Très drôle. Petite... parenté, voilà. Il avait dit quelque chose de très, très amusant au niveau de sa réflexion pour la composition, c'est qu'il avait choisi le piano parce que justement il en jouait mal. Et que ça, du coup ça apportait une autre façon de exact. Composer, etc. J'avais parce vu ça. Que c'était pas un instrument qu'il maîtrisait, quoi. Je trouvais ça vachement du intéressant. Coup, ça lui a amené un nouveau point de vue sur un nouveau truc à maîtriser et tout. Et j'avais trouvé ça super intéressant dans la ouais. démarche musicale du mec. Et j'ai entendu qu'il avait procédé à l'inverse. Il a d'abord écrit ses paroles et après il a composé pour poser de la musique sur ses paroles. À l'inverse, c'est d'habitude il composait d'abord la musique et après en général, il mettait les paroles dessus, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et pour en revenir au spectacle, donc très touchant avec un côté très burlesque. Je pense que c'est une des seules personnes maintenant. Où on peut rigoler quand il va jouer avec sa bite du piano. Si je vois ça maintenant, moi, ça va me saouler. Mais c'est très rigolo. Patrick Sébastien l'a déjà fait, je crois. Ouais, en 45. Ouais, mais ça fait juste rire une transe d'âge et, oui. et certaines personnes pour le nouvel an. C'était de l'art, ça fait très mal. C'est pour ça que maintenant, il a un micro pénis. Oui, pour entendre. Bah écoutez, merci. Très bien. Voilà. Alors, Jean-Pierre, vous avez quelque chose, un film Alors, j'ai eu très peu le temps d'aller au cinéma ce dernier mois-là, mais j'ai, n'empêche, j'ai été voir un film que j'ai vraiment trouvé très très bien, qui s'appelle American Honey, qui est super cool. Qui est, alors, du coup, j'ai préparé une petite fiche, j'ai juste marqué que c'était fait par Andrea Arnold. Une anglaise, ouais. Une anglaise qui avait Chia LaBeouf dedans. Donc, ouais. Justement, on parlait de Transformers tout à l'heure. Bah voilà, ce mec est dedans. Mais sauf que là, il joue bien. Et l'actrice principale qui s'appelle Sacha Lane et qui est une meuf de 21 ans. Et en fait, c'est tout un road trip bah, justement aux États-Unis. Où t'as t'as une adolescente de 18 ans à peu près, ouais, c'est ça. Qui part faire un road trip dans un van avec des livreurs de magazines. Alors là, ça se présente comme donc. Ça. Par rapport à van. L'école du rire, tout ça, tout ça. Donc voilà, et c'est filmé, alors je me souviens plus du format, genre en carré. 4 tiers. En 4 tiers, voilà. C'est filmé en 4 tiers, c'est hyper beau, les images sont magnifiques. Ça dure 2h43, donc vous pouvez dire que c'est un petit peu long comme ça. Ouais. Ouais, mais en fait, je trouve que ça se passe super bien. Sans entraxer. Et ce qui est cool dans ce film-là, c'est que c'est le genre de film. Enfin, je vais pas dire qu'il faut s'attendre à rien, il n'y a pas de scénar. Mais faut un peu s'attendre à rien, il n'y a pas de scénar. D'accord. En fait, non, mais c'est juste, l'aventure, elle commence, tu te laisses porter, et ça va pas être un standard classique du style, il y a une situation de base, il y a un élément perturbateur, et ensuite, quête, plus résolution de la quête, quoi. Donc, si on est à la bourre et qu'on arrive en plein milieu du film, on peut quand même suivre l'histoire. Ouais, et... Évidemment, parce qu'en fait, pendant 2h40, c'est des jeunes qui font une activité déjà complètement improbable en 2016, c'est-à-dire qu'ils vendent des magazines en porte-à-porte. Mais alors ça, c'est justement, c'est génial, ça montre aussi la différence qu'il y a entre leur génération à eux et les magazines qui sont plus du tout vendus. Et du coup, le décalage entre cette jeunesse américaine-là et justement le monde dans lequel ils sont, quoi. Oui, mais moi, ce que j'ai trouvé... Ah, vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu. Ce que j'ai trouvé complètement ouf dans le film, c'est que donc, ils vendent des magazines. Cette jeune fille, jouée par Sacha, je ne sais plus son nom... Enfin, qui est une superbe actrice, en tout cas, elle est incroyable dans le film, elle porte le film. Que t'as un casting de rue, à part Shia LaBeouf, évidemment. Qui fait une magnifique scène d'intro en dansant sur du Rihanna dans un centre commercial. Rien que pour ça, le film vole des tours. Oui. Ça me donne envie, ouais. C'est vraiment bien. Ouais, et donc, dans le film, moi, j'étais un peu perdu parce que elle rejoint ce groupe-là, qui sont plein de jeunes, qui se baladent en van, et il y a un peu une chef de bande. Et on se dit, elle se retrouve dans un truc un peu illégal, un peu chaud et tout. Elle lui dit, j'espère que t'as pas d'attache et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'ils vendent des magazines, quoi. Ouais. Et tu te dis, non, mais il y a un truc caché, il y a une arnaque, tu sais. Non, ils vendent des magazines. Ils vendent juste vraiment des magazines. Et c'est une histoire d'amour, pour le coup, aussi. Et alors là, l'histoire d'amour qui tient le film. Complètement. C'est une histoire d'amour donc entre Sacha Lane et Shia LaBeouf. Mais pour le coup, qui n'est pas vraiment une histoire d'amour standard. On parlait de La La Land tout à l'heure. Là, ça part un peu en vrille. C'est assez animal, quoi. Ouais, c'est un peu sauvage. Il y a de la tromperie, il y a de la trompette. Il y a de la trompette, il y a de la batterie. Ça part un peu en ska, un moment. Ça part un peu. Non, d'ailleurs, la BO est excellente. Alors justement, j'avais vu d'autres critiques. En fait, j'ai vu deux critiques de Télérama, un qui était vachement pour et un autre qui était vachement contre. Et la personne qui était vachement contre disait, ah non, mais la BO c'est n'importe quoi, c'est hyper cliché, ils se sont juste amusés à coller des morceaux de hip-hop pourris dessus. Non, parce qu'il y a des groupes texans de country et tout, en particulier celle qui donne le titre au film American Honey, qui est une chanson d'un groupe qui paraît assez ringard, ouais, je pense, au reste des États. Ils critiquaient là-dessus aussi. Voilà. Non, mais je n'étais pas du tout d'accord. Non, mais ce qui est drôle, c'est ce côté hyper jeunesse blanche qui est complètement abandonné. Qui s'appelle les Trash Whiters. White Trash. Les White Trash, pardon, exactement, qui en fait, ouais, voilà, toute cette jeunesse blanche là qui vivent un peu dans les ghettos et qui. Dans les États du Sud, assez pétzeux, quoi, les rednecks et tout ouais, ça. Ouais, gros redneck texan et compagnie, complètement démunis, qui savent pas quoi faire et tout. Bref, et d'un point de vue esthétique, le directeur de la photo a dû faire un. Je trouve que c'est très esthétique Instagram, quoi, par contre. Alors, des fois, c'est un peu too much. Des fois, c'est vraiment esthétique Instagram. Après, mais si c'est pensé pour faire écho à la génération et tout, c'est ouf. Mais sinon, je trouve que l'esthétique, elle est un petit peu racoleuse. Non, c'est pas tout le temps comme ça non plus. Et le film est bien parce qu'il fait aussi écho à un film en ce moment, Moonlight, où c'est la jeunesse, où il y a justement Black à Miami. Il n'y a pas un blanc. Enfin, c'est dit comme ça, ça peut paraître un curieux. Un peu comme Ma Famille d'abord. Ça peut paraître curieux, mais en fait, c'est très important dans la logique. Il n'y a pas un noir dans American Honey. Il n'y a pas un blanc dans Moonlight. Comme dans Le Prince de Bel-Air, un peu. Voilà. Et Moonlight, je ne sais pas si vous l'avez vu sur cet homosexuel Black à Miami. Non, comme Stevie. Comme Stevie Boulet, ouais. Enfin bon, ça fait quoi ce film-là ? C'est très bon. Bah, écoutez, trois bons films. Ouais, je pense faire trois bons films. Plus un spectacle, plus un spectacle. Et Taxi 4. Très bien. Bon, bah bien, en tout cas. On a bien détaillé. C'est la première fois qu'on passe autant de temps sur une colline comme ça. Colline de la Station, Jean-Pierre et Robert Renaud et Richie Bouze. They want to be a man's butt, I don't care what I see you looking when I see you go away. Rocking on the street in a pray, pray, pray in my head for you. The rains, winds, waves, not a reef making shamalala. Before us in the dead make shamalala. Not a reef making shamalala. Before us in the dead make shamalala. Wreck a baby, wreck a better make some dream for the lion in the Zion and the Fogarty's. Rocking on the street in the break, break, break. My hand for you, the rain's wings, wings. Not a reef making shamalala. For us in the dead make shamalala. Not a reef making shamalala. For us in the dead make shamalala. Et donc là, quelqu'un veut faire une chronique, quelque chose, Jean-Bierre ? Vous qui avez toujours une petite Allez, surprise dans votre sac, dans votre musette. Vous avez toujours quelque chose toujours et c'est pour ça que je vous aime. Vous êtes mon petit ange déchu qui tombe du ciel. J'ai envie de vous rendre dans un petit sandwich, vous croquer. Et toujours une corde à mon arc. Ouais. Alors, oui, j'en ai une, ouais. Ouais. Bah alors moi, vous savez, hein, depuis le tout début de cette émission, j'ai une affection particulière pour cette chronique qui s'appelle La Personne du Jour. Ah, la Personne du Jour. Jingle. On alors, est attendez, à attendez, Nantes. Attendez, attendez. Est-ce que je peux organiser Nantes, Nantes, Nantes, Nantes. Tout le monde chante comme la la lande. Beatbox. Tout le monde bouge ses fesses sur Xavier Dupont de Ligonnès qui a enterré ses enfants. Non. Mais si, les a enterrés. Ok. Mais Personne du Jour, Xavier Dupont de Ligonnès. C'était ça? Oui. À chaque fois. Non, mais c'est pas. C'est une intro. Vous faites chier. C'est une intro, c'est tout. J'avais pas prévu de Oui, mais maintenant elle est trouvée. Elle est trouvée. Bon, bah, La Personne du Jour, voilà. Donc, une chronique en moins. Merci. C'est celle que j'avais trouvée, donc j'étais très fier. C'était juste pour faire une rime avec fesses. C'est une intro marrante. Vous savez, fesses, vous avez du polygone, c'est tout. Non, mais voilà. Bah, très bien. Bah, tant pis, hein. Xavier Dupont de Ligonnès. Parlez-nous-en, du coup, quand même. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous connaissez Eugène? Ah non, non, non. Comme votre émission. Voilà, moi, Eugène connaîtra la figure la plus importante de Nantes. Je suis désolé, Jean-Bien. C'est complètement involontaire. J'en ai marre, c'est pas la première fois que vous faites ça. C'est complètement involontaire, quand vous voulez que... Oh là là. Bref. Eh ben, écoutez, vous connaissez vraiment pas ou vous faites semblant comme... Je connais trop peu et j'ai très envie de le connaître. Pas semblant, très, hein. Très d'accord, très bien. Eh ben, écoutez, on va faire cette personne du jour à deux. Ah. Voilà. Rubrique, on improvise, hein, quand on a son compère qui sabote son propre boulot. Mais je pouvais pas savoir. Arrêtez, vous m'énervez. Alors, la personne du jour, Xavier Dupont de Ligonnès. Est-ce que vous voulez un peu deviner qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait? Dupont de Ligonnès. Alors, avec c'est un prénom. Un artiste, si c'est un. Dupont, peut-être créateur de ponts, hein. On va y aller à la base. Hein. Alors, non. De Ligonnès, il y a peut-être des liens dedans. Peut-être avec la litrie, ficelé quelqu'un. Dire. Ouais, non ouais, plus, ouais. Non plus. Non plus. Alors, c'est quelqu'un, je peux vous donner une info. Donc, la personne du jour, en général, c'est quelqu'un qui fait quelque chose en particulier d'important. Ouais. Là, il n'a pas vraiment fait quelque chose. Enfin, si, c'est important un ce film. Qu'il a fait, mais c'est il pas... Il a créé quelque chose. C'est pas quelque chose de très positif, on va dire. Mmh. Il n'est pas originaire de Nantes, mais la chose qu'il a faite, par contre, c'est produit positif. À Nantes. D'accord. Négatif. C'est quelque chose de négatif qu'il d'accord. a fait. D'accord. Bon, question de point de vue, mais oui, plutôt négatif. On c'est va un point de vue. C'est un point de vue, mais c'est quand même plutôt négatif. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est originaire de Versailles, Xavier Dupont de Ligonnès, qui est venu habiter à Nantes. Comme Louis XIV. Ouais. Comme Jules Verne, originaire de Nantes. Oui. Non. Si. Non. Si. Les si. Maisons. Non. Et comme oh, il Louis a fait des choses oui. ici. Mais si. Non. Non. Très bien. Bon bah non alors. Alors Xavier Ligonnès, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Poser des questions. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Donc c'est quelque chose de négatif. Donc il a fait un trou. Attendez, je crois qu'il est... ouais. Alors oui. Oui, il a fait un trou. Ah. Ouais, il a fait plusieurs trous. Il en a fait 4. Il a fait 4 trous dans le négatif, un trou. Qu'est-ce qu'il a fait de ce trou? Il a rempli. Il a rempli le trou, oui. Qu'est-ce qu'on fait dans un trou? On qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer la nuit. Bah là ils ont passé la nuit éternelle nuit, pendant très longtemps. D'accord, très longtemps dans une nuit, ok. Très longtemps dans un trou. Ah, ça c'est intéressant alors. Bah, alors non, pas Xavier de Ligonnès en lui-même, hein. Lui il a juste creusé le trou, il a aménagé un peu le, il a essayé de faire un endroit un petit peu cosy. Et après les gens par contre ils ont passé beaucoup de temps dedans, ouais. D'accord. Non, ils y sont plus maintenant. Un abri atomique alors. Je pense qu'ils ont lu qu'ils ont revendu. Le lieu. Bah, c'est possible. C'est possible. Dès qu'il fait le truc, c'est chaud, quoi. Xavier Dupont de Ligonnès. Eugène, pardon. Vous avez une idée? C'est une personne, quand même, qui a fait les gros titres, quoi. Bah, il fait toujours les gros titres parce qu'en fait, c'est une personne qui est extrêmement recherchée par la police et qui n'est toujours pas retrouvée. En fait, les 4 trous qu'il a fait, c'est juste que ce gars-là, donc, il a habité à Nantes, il a abattu dans une nuit sa femme et ses 3 enfants. Et les chiens. Et les chiens? Ah, je savais pas pour les chiens. Donc voilà, il les a abattus, il a creusé des trous sous la terrasse, il les a enterrés. Très et bien. Il s'est enfui. D'accord. Voilà, il a mangé tous les mentos. Voilà, Xavier Dupont de Ligonnès à Nantes, quoi. Et alors oui, alors il a écrit une lettre, justement, à un de ses collègues. Et cette lettre dit... Alors, parce qu'en fait, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, vu qu'on l'a toujours pas retrouvé, on sait pas si c'est lui l'assassin de sa femme et de ses 3 enfants. On a un petit doute. Voilà, on se doute de quelque chose. Le chien avait la rage. Est-ce que la lettre commence par des petits trous, encore des petits trous? Il écoutait du... Non, Marc du trou, encore Marc du trou. Et alors, il a écrit une lettre à un de ses 2 amis, et cette lettre dit « Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. » Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. PS, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur, avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif? Oh la vache, okay. Très voilà. Bien, très je bien. Je ne suis sous l'emprise d'aucune drogue. Je serai d'ailleurs fin septembre, début août, sur la grande place. À la salle des fêtes de Pontivy, la salle Saphir, le 3 et 4 avril prochain. Mais il avait, je crois, des gros problèmes financiers. En fait, c'est ça, il avait des grosses dettes. Et c'est ce qui transparaît un peu dans ses dernières phrases, là, écrites dans une lettre. C'est ça, il avait des grosses dettes et il ne savait pas comment s'en sortir. Et donc, voilà. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, parce que moi, justement, je connais bien l'histoire, je suis un peu intéressé, j'ai mené un peu l'enquête. Il semblerait qu'il ait monté un restaurant de trisomique à Nantes qui s'appelle Le Reflet. Le Reflet du Port de Ligonnès. Petit indice. Ouais, où tu manges dans des petits trous. Là, il serait pas à côté du cimetière, justement, où il y a beaucoup de trous. Ça y est, du pont de Ligonnès, vous savez où il est? Bah, moi j'en ai entendu alors, parler. Il y avait une piste, pour le coup sérieuse, d'enquête qui imaginait qu'il serait rentré dans des ordres religieux, monastiques, où on peut rentrer en changeant de nom, en ayant une nouvelle identité, en faisant vœu de silence. Moi je l'aime bien, Xavier Dupont de Ligonnès. Faut qu'on l'a jugé, on l'a jugé un peu trop durement. C'est vrai. Donc, comme quoi, une ville touchée par le meurtre de Gilles de Rais. Qui a tué 150 enfants, qui a fait de la sodomie. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Bierre, je suis navré. Bah, merci à vous. Merci beaucoup, j'en ai appris sur ma ville et alors, je me merci sens bien chez moi maintenant. Ouais. Mmh. Très bien. Et j'étais passé devant sa maison en covoiturage. Mais elle est à vendre d'ailleurs, j'ai su ça, je fais style de ne pas le savoir. Mais, oui, mais c'est clair. Ah merde. C'est-à-dire que tout le monde se moque de Jean-Bierre. C'est le problème de mémoire. Et, c'est l'enfant qui fait son spectacle où tout le monde n'a pas vu le lapin qui sortait du chapeau. Ça sert à rien que je bosse si c'est pour m'humilier comme ça. Oups. Très bien. D'accord, bah en tout cas c'était tout pour moi. Moi je vais arrêter de parler maintenant pour ce prochain. Moi je propose qu'après cette très belle chronique on fasse une petite pausinette. D'accord. On se retrouve après les loulous avec des nouvelles histoires de bonheur et de bonne humeur. Moi je vais essayer de recoller les morceaux avec Jean-Bierre et son histoire du Polygonesse. Mais non, il y a aucun. J'ai voulu faire une chanson. Voilà, je suis désolé Jean-Bierre. On se retrouve tout de suite. Gros bisous les petits culs. De la station en direct différé de Nantes avec Eugène Balek, notre invité spécial. On en a parlé beaucoup tout à l'heure, le sosie de Ryan Gosling. Arrête, un homme incroyable qui, malgré une maladie virale qui le poursuit, est là et présent. Et on le remercie beaucoup avec Jean-Bierre d'être complètement là. Et il donne tout ce qu'il a vraiment. Le gars tape au fond de ses tripes. Quoi. Le gars fait tout. Le gars est musicien. Il a joué dans La La Land. Il a tué le game. Je pense qu'on peut dire kill the game. Il aime la musique. Voilà. Oui. Il aime la musique. J'aime beaucoup la musique. Il a aussi. Regardé les Victoires de la musique ou pas? Pas du tout. Ellie J, un peu quand même. Non plus. Rire gêné. Oui, j'ai regardé. En parlant des Victoires, on a un grand fan de Jane qui a été récompensé par deux fois pendant les Victoires. C'est Jean-Bierre. C'est vrai. Je pensais pas qu'on allait en parler, mais c'est vrai. Vous êtes fan vous êtes content de Jane? Ouais. En fait, fan, c'est un bien grand mot. C'est juste que Richie Booz, bon, n'aime pas du tout, je pense qu'on peut le dire. Bah, je pense qu'elle me ferait plaisir en mourant, oui. Voilà, oh. Donc on peut dire ça. Moi, j'aime bien. Alors après, c'est, tout ça est nuancé parce que je trouve qu'on a trop entendu, c'est vrai. Mais je trouve qu'elle a une belle voix, j'ai beaucoup aimé certaines instrus sur son album, donc voilà, notamment l'instru de Makeba que je trouve un peu cool. Oui. Voilà. Mais Richie Booz considère que c'est de la merde. Non, vous, non, Eugène, non. Vous en pensez quoi? Et ben moi j'apprécie énormément aussi, j'ai adoré, c'était pour moi la petite pépite que j'avais découvert à un moment, et maintenant je l'apprécie de moins en moins. Bah, too much en fait, trop médiatisé, on l'entend partout. Ouais. Je l'ai même entendu dans un film américain, je ne sais plus, ou une série plutôt américaine, et j'étais même surpris de voir qu'elle était dans cette série alors que. Entre ça et les pubs. c'est vrai que c'est un peu trop omniprésent. Ouais. C'est le problème de surtout de certains artistes qui s'est sont fait trop médiatisés. Un petit peu comme Riquet à un moment de Cine Similia, quoi. C'est ça. On peut le dire. Mais après, elle s'est fait récupérer parce qu'elle fait de la musique parfaitement dans l'air du temps, parfaitement récupérable pour illustrer des pubs. Vous êtes mais non, mais si elle est prise par les publicitaires à ce point-là, c'est qu'elle est pile dans le truc qui marche bien. Pour faire une pub pour Apple, faire une pub pour SFR, pour Soch. Oui, mais est-ce que c'est, pour illustrer un est-ce truc que c'est forcément mal? Non, c'est pas mal. Seulement, c'est un petit peu pas très honnête, je trouve, comme musique. Et pourquoi elle fait pas ça? Elle s'est pas dit involontairement de sa part. Je vais faire cette musique-là pour me retrouver dans cette pub. C'est le fruit de la station, évidemment. De l'époque musicale. Les victoires de la musique, quand même. Et juste pour le problème médiatisé, c'est pas justement à cause de la famille. Je crois qu'il y a sa famille qui bosse là-dedans justement et qui l'a peut-être propulsé un peu trop. Vous êtes sûr de ça? Ouais, moi je sais que ses parents sont Jane Cohen. Ouais. Je crois que les parents sont justement dans le game. Ouais. Parce que pour moi en fait, j'avais lu que c'était une Jane Cohen quoi. Oh non, Jean-Bierre. Jean-Bierre, si Cohen, pourquoi est-ce que Cohen c'est un nom de juif? Non, Cohen, alors très bon spectacle. Oui. Je l'ai vu très bon. Excellent. Non, je sais pas si ses parents sont dans le game parce que pour moi c'était une fille d'expat justement et c'est pour ça qu'elle avait longtemps vécu en Afrique et parce que ses parents étaient deux expatriés et du coup je suis pas. Mais peut-être après. Peut-être des parents adoptifs. Oui, bah d'accord. Je crois que ses deux parents étaient trisomiques qui travaillaient au reflet à Nantes. Oui, ils bossent à Nantes. Oui, oui. Il me semble. Oui. Ouais, c'est ça. Y a pas une assiette sur la table, je peux vous le dire. J'étais tout par terre. Alors, vous vouliez parler de quoi, mon cher Richie? Bah rien de ça, qu'elle avait gagné deux victoires de la musique, j'étais très content pour vous. Votre chronique musicale, c'était sur Jane? Non. D'accord. Ma chronique musicale, c'était sur les victoires de la musique, entre autres. D'accord. Et je voulais savoir comment c'était possible, cette chose-là. Comment ça peut exister, quelque chose de pareil? Comment c'est fait? D'où ça sort? Je comprends pas où vous voulez en venir, c'est comme un concours. Mais il qui choisit? Plein dans toutes les disciplines. En tout qui cas. Choisit? Bah, c'est, ah, oui. C'est un jury. Mais c'est un jury qui est constitué. La meilleure il y a eu musique, un vote en avance. Meilleure musique urbaine. Déjà, ça veut rien dire musique urbaine. Alors, ouais. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'il y a un prix non, musique mais... de campagne. Oui. Contre oui. La musique urbaine. Donc, c'est les gens qui font du rap sont la musique bah, urbaine. Si, et c'est Jules qui a gagné quand même. Le mec qui fait de l'accordéon, là. Claudio Capéo, je sais pas quoi. Voilà, mais Claudio Capéo était là aussi. Bah, c'est dans les musiques rurales, mais je crois. Et les Glochos. Rurales, c'est ça. Les Glochos, c'était là aussi. Les Glochos, c'était là. Ils avaient apporté leur boîte à camembert. Avec les frères Morvan. Ah, frères Bogdanov. Ils travaillent au reflet en ce moment. Ils travaillent à Menton, je crois. Oh. Ah, très bon. Merci Laurent Baffi. Vous avez réussi à votre non votre j'ai replongé cette semaine en fait ma résolution 2017 pour Eugène qui n'écoute pas l'émission. Oui, c'était d'arrêter de mater tous les best-of de Laurent Baffie avant de me coucher. Ah, vous le soir aussi. D'accord. Oui, t'as pas le choix qu'on ait deux. Mais vous c'est plus les grosses têtes, non? Ouais, c'est un peu Laurent Baffie aussi. Bah, il en fait partie, vous me direz. C'est Pierre Bénichou, c'est ouais, c'est toute cette voilà, team. C'est, ouais, c'est fan Titoff aussi, Christine Bravo surtout. Oui et Alizé. Oui, bah ça c'est un descendre les Champs-Élysées en léchant Alizé. Dans son bain de mousse. Diouf. Et on enchaîne. Vous avez senti c'est quelque chose de ce retour aux années 80 en musique qui est insupportable. Moi qui me rend fou. Avec Lio? Avec des groupes de partout qui sont habillés comme des culs. Ouais. Qui s'habillent ouais. Le plus mal possible et ça fait 15 ans. Moi ça me choque pas plus que ça en fait. Mais c'est tout le temps comme ça, ça a toujours été mais comme non. Ça. Parce que dans les années 60, 70, les jeunes. Ah, il n'y avait pas les victoires de musique. Ils avaient. Non, je ne parle pas des victoires de la musique, je parle de la musique en général, les groupes qui s'habillent n'importe comment, qui font un retour aux années 80 avec des vieux synthés, tous ressemblent de plus en plus. Ouais, mais là, vous prenez des trucs vachement clichés, mais il y a des. Mais non, mais enfin, il y a énormément de groupes qui font ça maintenant. Ouais, ils ne s'habillent pas tous comme des culs. Bah, moi, je suis un peu d'accord. Il y a vraiment une scène comme ça qui surgit et ça a l'impression qu'il faut s'habiller le plus mal possible. Il faut prendre les synthés des années 80, les guitares des années 80. Et dans les années 80, les gens, ils avaient qu'une idée, c'est d'avoir le nouveau synthé, de casser les instruments de leurs parents, de casser les CD que leurs parents écoutaient. Et eux, ils écoutent écoutaient leurs parents. Ils prennent les instruments qu'avaient leurs parents. C'est un effet de mode qu'il y a depuis quelques années maintenant. C'est-à-dire, retour au vinyle, retour au fixie, retour au côté vintage. Le rétro. Trucs. Voilà, le gros rétro, quoi. Ouais, mais sauf qu'à un moment, normalement, dans les courants, il y a du neuf. Il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose de nouveau. Là, ça fait. Mais c'est la génération qui reprend les années 80, elle a duré plus longtemps que les années 80 elles-mêmes. Non, ça fait 15 ans qu'il y a des groupes qui font ça. Et surtout que parmi tous les artistes, je suis d'accord avec vous, que ça revient et tout, mais il y a quand même toujours un petit peu du neuf. Alors, c'est pas forcément. Il y a des choses super. Fishback qui fait un album, c'est excellent. La protégée de Jake. Je dis pas que j'aime pas cette musique-là. Je dis que je trouve ça bizarre au niveau de la création d'être à ce point-là tourné vers le passé. Et en France, on est tout le temps tourné vers le passé, dans les films. On va kiffer The Artist parce que c'est le film qui va le plus marcher. Et quand ils repassent les Bronzés, les gens, ils sont toujours 10 millions à voir ça. Ils adorent ça. Quand on met de l'art contemporain à Versailles, les gens ils détestent ça, il faut garder tout comme. Et il y a ce truc toujours vers le passé qui est incroyable quoi. Bah, est-ce que c'est pas une phase justement où quand on veut forcément aller dans le futur, voir des choses nouvelles, au bout d'un moment on a tout essayé et on aime bien retourner un petit peu. Ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de nouvelles choses à découvrir. Mais pour moi c'est cyclique, c'est qu'il y a des vagues d'innovation, ensuite on retourne un peu vers le passé et puis on revient vers d'autres vagues d'innovation tout en s'inspirant du passé. Mais pour moi c'est cyclique. C'est cyclique, mais j'ai l'impression que là ça dure. C'est pas très grave. J'ai l'impression que ça dure un peu. Non, je pense pas. Pas plus qu'avant en fait, ça m'étonnerait, je pense pas. Comme tous les groupes qu'on écoutait avant, sur lesquels on peut penser que les artistes actuels pompent maintenant, je pense que ces groupes-là ont fait exactement la même chose avant, avec des trucs encore plus anciens. C'était référencé. C'était référencé. Voilà aussi, c'est référencé du coup. C'est référencé, mais c'est quasiment du copier-coller. Non, c'est ça qui est gênant avec ça. Pour certains, oui, mais pas pour tous. Mais voilà, pour beaucoup, vous citiez Fishback à l'instant, c'est pas le cas. C'est hyper novateur. Non, c'est pas hyper novateur. On écoute son album, on a l'impression d'écouter Catherine Ringer ou d'autres choses. Vraiment, au niveau du son, c'est très proche, c'est les mêmes instruments qu'elle utilise. Elle le dit d'ailleurs, elle utilise les mêmes instruments. Oui, mais elle apporte quelque chose de nouveau. Les mêmes références. Oui, bah évidemment, il y a toujours quelque chose de nouveau, sauf que c'est incroyable d'être aussi tourné vers les choses passées. Voilà. On se dit qu'elle a, je crois qu'elle a 24 ans, 25 ans. Ça, 24, à ce point-là, d'être dans les choses des années 80, je trouve ça bizarre, quoi. Ouais. Mais d'avoir besoin de ça, c'est la nouvelle chose. Moi, c'est comme moi quand j'ai envie de faire de l'humour, d'écrire un de mes nouveaux sketchs, par exemple, je me tourne forcément vers les minicums. Oui, bah bien sûr. Voilà. Ou même toujours en apportant quelque chose de nouveau. Mais Raymond Devos aussi beaucoup, vous avez cette école-là un petit peu du verbe français. Exactement, voilà, je l'exprime très bien ça. Et puis, merde, comment il s'appelle ? Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, très bon, la Zoubida. La Zoubida et le sketch sur les skis. Que je vous invite à checker sur YouTube. Je connais pas qu'on ne trouve que versé, filmé. Très bien ça. On ne trouve que filmé au téléphone portable dans la salle Saphir de Mel Guenac, je crois. Ah oui, d'accord. C'était Michel Bernot qui avait filmé ça à l'époque. Votre père. C'est ça. On s'en souvient bien, oui. Très bien. Ce chronique musicale qui continue C'était pas une chronique musicale, c'était un coup de gueule. J'ai envie de pousser mon coup de gueule, j'avais l'impression qu'on était tourné vers le passé, j'avais cette sensation-là. Attendez, on va faire quelque chose encore qui ne s'est jamais fait dans Fruits de la Station. Eugène Balek va faire du beatbox. Ah oui ? Et oui, voilà, allez-y, un truc petit, comme vous le savez très bien le faire. Pas trop années 80. Et Richie Booz va faire donc le jingle de sa chronique qui s'appelle Le billet d'humour de Richie Booz, qui vient d'être fait, mais on fait le jingle de fête. Le billet d'humeur. D'humeur. Pardon. Et donc je vite une petite pouf. Comme vous le sentez, un redeem qui vous vient. Ok. 3, 4. Voilà, très bien, c'était le meilleur jingle qu'on ait fait jusqu'à présent. Oui, bravo. Un 4 mains. Écoutez, j'avais envie de me vider. Déjà, on s'est vidé sur ma voiture dans le parking. J'aimerais bien que j'ai retrouvé ma voiture souillée. Est-ce que vous voulez détailler cette anecdote pour les auditeurs ? Non, voilà. J'ai retrouvé ma voiture souillée avec quelqu'un qui s'est probablement masturbé. Si je puis me permettre, permettez-vous la chronique que vous venez de faire sur le retour, sur le vintage, etc. Eugène Balek va faire une transition magistrale là-dessus sur une chronique qu'il a préparée pour cette émission. Eugène, la parole est à vous. Donc, on parlait de rétro et je voudrais vous parler justement de la mode rétro gaming. Exactement comme on vous disait tout à l'heure, on disait que le retour conneries. Au rétro, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est l'époque qui est quand même comme ça un peu. Et c'est nostalgie. On est une époque nostalgique. La radio elle a jamais été aussi écoutée que cette année. Oui, hélas. Bah maintenant, il y a Fruit de la Station quand même. Qui marche bien. Il faudrait passer un peu de musique alors. On en passe. Ah. Bah oui, vous avez pas écouté. Non. Mais, okay. Allez-y, et donc Eugène. Je voudrais vous parler du gaming, du rétro gaming, qui a en ce moment une grosse mode, comme la musique, comme etc. Et donc il y a quelques temps, je sais pas si vous entendez parler de ça, NES, Nintendo, qui a sorti une mini NES. D'accord. Et qui, donc c'était exactement la même boîte que la NES, mais que la console qu'on connaît tous, grise et blanche. Exactement. Un peu avec le truc qu'on avec les cassettes où on souffle dedans comme les Machu Picchu. Et le projet était donc de ressortir cette console mythique, mais en version miniature et regroupant des anciens jeux. Et donc le but c'était un émulateur qu'il y avait dans cette console. Ils l'ont appelé la mini NES. Elle a été vendue une certaine quantité. Ça se présente sous quelle forme ? C'est une puce et... Alors, c'est une console, mais on peut pas mettre les disquettes, cassettes qu'on pouvait mettre à l'époque. Tout est intégré, c'est ça ? La console est vraiment intégrée. Elle est vendue telle quelle. Elle est plug and play. elle a exactement la même forme que la NES qu'on connaît, mais en plus petit, quoi, en tout petit, en miniature. Mais alors, allez-y. Et donc là-dessus, il y avait quelques jeux, je sais plus combien de jeux, enfin, peu importe. Ouais, les jeux cultes de la NES. Ouais, genre les elle a été Super vendue Mario, à un nombre de places. Oui. Excusez-moi, j'ai une question seulement, après vous pourrez répondre. Mais ça n'a rien à voir avec le monstre du Loch Ness. Non. Très bien. Non plus. Je sens que je vais patauger. Non, parce que justement, je m'inquiétais. Non, c'est ta spécialité. C'est juste une introduction. D'accord. D'ailleurs, en introduction, je voudrais parler d'un groupe, enfin, un savant. Pas trop de discussion. Hein. Ah, mon Dieu. Dis, Catherine, c'est fini. Non, non, non. Un savant très connu, Monsieur Percu Baba, qui disait le savant de Marseille. Savant de Marseille, Massilia. Oh, mon Dieu. Très écouté à Massilia. On embrasse nos auditeurs de on Marseille. On embrasse nos auditeurs de Marseille qui sont les plus nombreux sur fruitdelastation.fr.fn.gouv.fruit.cantou.kiwi. Écoutez en Nouvelle-Zélande. J'ai d'autres blagues sur les fruits. Allez-y. Non. Ah, ok. Et donc Monsieur Percu Baba qui disait jeux vidéo, jeux vidéo, mais la vie est un combat comme un jeu vidéo. Voilà. Exactement. Qui bravo, était... Merci. Non. Allez, continuez. On arrête de vous interrompre. Donc j'ai vu récemment quelqu'un qui montrait que cette mini NES était une belle bêtise et donc parlait de la Recall Box. Et c'est là où je veux en venir. De la Recall Box. Recall Box. Ouais. Et c'est là où je veux en venir parce alors, que allez-y. La Recall Box est une petite révolution recall. Pour on va le faire en mode recall. Recall Box recall, ouais. Est une petite révolution pour les gens qui kiffent le rétro gaming. Okay. Et donc c'est qu'est-ce que c'est du coup ? On a la chance que ce soit un Français qui ait créé la Recall Box et recall la Recall Box. La Recall Box. Ah remarque si c'est un Français, c'est peut-être la Recall Box. La Recall Box même, je pense. Peut-être, je sais pas okay. Au niveau des accents, on pourra lui demander. C'est vrai, c'est un ami à vous peut-être. Non, mais je pense qu'il y a moyen. Il de arrive, copier, on quoi. L'accueille ce soir. Bonsoir. Ah, c'est Maggie. Monsieur Recall. Vraiment. Et donc cette Recall Box, c'est ni plus ni moins un système d'exploitation sous forme de Linux qui est applicable sur la Raspberry Pi. Et qu'est-ce que c'est la Raspberry Pi ? Alors là, la Raspberry Pi, vas-y, j'enchaîne. C'est un nano-ordinateur, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. C'est des micro-ordinateurs qui ont été créés d'un point de vue américain pour avoir des ordinateurs très simples, très peu chers, qui sont facilement achetables. Nos gens de Massilia. Et le but juste, c'est que n'importe qui puisse l'acheter et que ça soit quelque chose de pédagogique pour des enfants, pour des écoles, pour avoir justement des ordinateurs simples et légers. C'est un système d'exploitation. Parce que vous la Recall Box, ouais, c'est d'accord. Un système d'exploitation. Mais alors, qui se présente sous quelle forme ? C'est quoi ? C'est une puce ? La Recall Box, c'est juste un système d'exploitation et c'est applicable sur la Raspberry Pi, qui est alors, un nano-ordinateur. Alors, qu'est-ce que c'est la Raspberry Pi ? La Raspberry Pi, c'est le nano-ordinateur, mais ça se présente sous quelle forme, du coup ? C'est aussi grand qu'une une carte d'identité. D'accord. Et c'est un micro-ordinateur, tout simple, okay. En fait. Et c'est quelque chose qui est un peu à la mode, où c'est un tout petit ordinateur que n'importe qui peut acheter. Ouais, et le but, ouais. En fait, c'est que il coûte très peu cher. D'accord. Et il est nu. Il est nu, c'est-à-dire qu'il se base sur le fait que n'importe qui a un câble d'alimentation, a des manettes, a une souris chez du soi. Coup, ça se branche sur quoi C'est un écran. Après, on chope juste cette carte et on profite de tout ce qu'on a chez nous pour pouvoir alimenter un ordinateur. Okay. Il y a juste une carte avec des prises USB, une prise HDMI, d'accord. Une prise donc d'alimentation. En fait, on a une carte et après on branche. Voilà, comme vous l'avez venu de le dire, on peut brancher un écran dessus. Exactement. On peut brancher... D'accord. Exactement. Okay, et du coup, ça c'est la Raspberry. Ça c'est la Raspberry Pi. D'accord. Donc c'est et le la Recall Box vient se greffer dessus. C'est ça. Pour pouvoir faire du rétro gaming. Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Et donc c'est un Français qui a créé ça et c'est une console qui permet de on, avec celle-ci on peut jouer à n'importe quel jeu. D'accord. À partir de la PS1 jusqu'à les vieux jeux, les vieilles alors, consoles. C'est-à-dire qu'ils sont tous intégrés dans ce moi c'est ça, c'est la question pratique. Aussi de droit alors, c'est-à-dire que pour la mini NES il n'y avait que les jeux Nintendo parce que c'est leur droit. S'il a tous les jeux, il y a quelque chose de piraté. Exactement, ouais. Alors ça se passe comment du coup ? Tout ça a été, au fil des années, des personnes ont pu émuler tous ces jeux, ces vieux jeux, et les rendre numériques. D'accord. Et donc il y a plusieurs sites internet qui propose de télécharger ces jeux en version numérique donc, et de la mettre dans cet émulateur. Okay. Et cet émulateur nous propose après de jouer sur n'importe quel écran, il suffit juste de la brancher. Ouais, c'est de... fou, ça. Et donc c'est génial. Vous avez une idée du prix que ça coûte à peu près? Alors, si on veut tout avoir, imaginons, je n'ai rien de ce que vous avez dit, j'ai un ordi, une télé, enfin j'ai rien de... De bien, je suis pas un pro de l'informatique. Pas si la Recall, pas ça, la Raspberry. Ça, mais que ça, ouais. Combien ça me coûterait? Donc la Raspberry elle-même coûte 40 euros à peu près. Donc, pour juste avoir la carte, super accessible. 40 euros. À ça, il faut rajouter une micro SD qui coûte. Il faut à partir balles. De. Ouais, c'est, il faut 16 gigas minimum. Oui, donc les premières micro SD à 32 gigas sont dans les 15-20 euros à peu près. Voilà, ça c'est suffisant. À ça, on rajoute des manettes. Donc on a peut-être tous des vieilles manettes USB. Ouais, ou même les manettes importe. Microsoft de Xbox coûtent ou pas alors si même cher des. Que ça. Sur genre Amazon, on peut trouver des vieilles manettes. Après, c'est pas ça le plus cher quoi. Non, ouais, voilà, ouais. Bon. Et à ça, on rajoute des choses qu'on a chez soi. On a tous un câble. Une lampe. Une bonbonne d'hélium. Tout ce qu'on a sous la alors, poche. Je trouve ça super intéressant parce que du coup moi quand j'étais gamin j'avais un ordi complètement à chier, ce qui me permettait pas de jouer aux nouveaux jeux, et donc j'étais hyper frustré par ça. Et du coup en fait j'étais un gros fan de RPG à l'époque et je pouvais pas jouer à du Final Fantasy 7, 8 et 9 parce que mon ordi était trop pourri pour ça. Et du coup quand on était gosse on téléchargeait justement des émulateurs et des émulateurs de NES. Et c'est comme ça, par exemple, que j'avais pu tester le Chrono Trigger, qui est un excellent RPG, d'ailleurs, pour nos amis gamers qui suivent un peu. Et en fait, donc là, c'est exactement pareil, sauf qu'en modèle beaucoup plus réduit, et avec, du coup, une quantité de jeux, si je ne m'abuse, qui est infini, vraiment... Infini, quoi. Suivant ouf, la mémoire quoi. Qu'on a, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et, donc, ah oui, parce que les jeux sont installés sur la micro SD, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a plein d'options là-dessus, dont... Un truc qui va changer notre vie pour tous les gens qui ont connu justement la NES ou les autres consoles où justement il fallait surtout pas l'éteindre si on voulait finir un jeu. Et tout. Voilà, on a tous une autre mère qui passe à côté, qui débranche le truc. Et ben sur la Recalbox, il y a possibilité justement de sauvegarder à n'importe quel moment ce qu'on fait. Ah. Ça c'est une option. Et il y a une autre option qui est très. Ça perd un peu de son charme. Je ouais, mais comme ça. Fantomette. Le club des sacs. Avec le club des trottinettes. Oui, ben c'est quoi le rapport avec la sauvegarde? Bah, on m'appelait le Monty Man. Parce que j'étais fan de Fantomas. Du coup, j'avais un bonnet. Ok, alors stop déjà. Mais la mini NES faisait aussi la sauvegarde, vous parliez de ça. Non, pas du tout, justement. La mini NES était un exemple. Mais elle fait la sauvegarde. La NES, la première, celle qui est revendue maintenant. Ah oui, la mini NES. Richie, vous êtes un pro de l'informatique. fait la sauvegarde. Ah ouais, ouais. Ok. Oui, mais pas n'importe quand. Ah. Parce oui, c'était des checkpoints. Dans les peut-être. Jeux, comme Chrono Trigger, dont je parlais il y a deux secondes, il fallait arriver sur un checkpoint. Ouais. Et, voilà. Et du coup, tu devais dire à ta mère, justement, attends, je dois finir cette quête-là. Ouais. Mais à partir du moment où on l'éteignait, c'était fini. Non, je parle pas de la NES. Je parle de celle qui est vendue maintenant, la mini NES. Ah, la mini NES, d'accord. Ok. Ah non, oui, non, possible, on peut sauvegarder partout. Possible, même. Ouais, possible. Ouais, ouais. Ok. Et alors, vous me disiez hors antenne, en off, que vous aviez justement. À qui cette technologie? Oui. Alors, est-ce que vous avez testé votre retour d'expérience un peu là-dessus? Eh ben, je voulais tester justement pour pouvoir en parler, quoi, pour savoir de quoi je parle. Et alors? Et bah, je suis. Et j'ai pas eu le temps. Je suis conquis. Oui. Okay. Dont une option que je trouve très drôle pour les jeux très compliqués, qui permet de rembobiner. Imaginons un peu à la Prince of Persia. Oh. Et je trouve ça très drôle. Donc un jeu compliqué à l'ancienne. On facilite appuie sur le truc, quoi. Ouais, mais c'est. On sauvegarde quand on veut et on rembobine quand on échoue. Et c'est ça qui est cool, je trouve, justement, la possibilité de... Parce que, enfin, maintenant, j'ai fait l'expérience, j'ai peut-être, sans vouloir me la péter, j'ai peut-être au moins 3000 jeux, quoi, voilà, là-dessus. Et donc, dès qu'il y en a un qui me plaît pas, tac, je passe. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas du coup dans la consommation du truc à bloc, alors qu'avant, enfin, par exemple, les amoureux du jeu, mais moi, c'est ça que je trouvais ouf. Moi, clairement, je suis pas un gamer. Hein. Moi, les seuls jeux auxquels j'ai passé du temps, c'est GTA, parce que je faisais les codes et je m'amusais à me taper des putes, quoi. Un peu comme on fait chez vous ce soir. Oui, exactement. C'était cocaïne, quoi. et là, du coup, avant, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement des gens qui étaient complètement acharnés, quoi. Ils passaient des heures sur des niveaux à se prendre la tête, que ça soit dans les Zelda, Ocarina of Time et compagnie. Où les gens, mais du coup, je trouvais ça beau. Mais je suis tout à fait d'accord. Et là, du coup, on perd vachement ça, quoi. C'est que ce qui fait que les gens ont aimé ces jeux-là à l'époque, quand il n'y avait ni sauvegarde ni rien, le côté très difficile que ces jeux n'ont plus, on les refait en enlevant ça. Bah oui. C'est un peu bizarre du coup. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Moi, je. Ça perd un peu de sa nature. Ça m'a gonflé en fait les jeux où on n'arrive pas. Et si les gens aimaient tellement ces jeux-là à l'époque, au point de vouloir y rejouer, de vouloir ressortir des consoles, c'est qu'à l'époque, même sans les sauvegarder et tout, ils prenaient énormément de plaisir avec la difficulté du jeu. Bien sûr. Donc, c'est curieux de. Après, c'est juste une option. On n'est pas obligé si on est vraiment rétro gamer. Il y a le côté, rétro cette gamer, possibilité peut... de travestir l'origine du truc. On peut. Des gens comme moi qui ont. Enfin, moi, je suis pas du tout patient et le genre de vieux jeu où on n'arrive pas du tout. Il faut recommencer, moi ça me gonfle très vite. Et le fait qu'il y ait cette option, ça, comme pour Tinder, quoi. Exactement. Avant, ça fallait aller au bois, fallait voir une pute, fallait vérifier si elle était pas malade et tout. Fallait mettre des capotes, une, deux, trois capotes parfois. Même une sur la tête pour pas reconnaître sa mère parfois. Oh mon dieu, la mère. Maman Bouze. Maman Bouze, on t'embrasse. Non mais oui, alors je trouve ça super intéressant. Mais ça reste des options, on n'est pas obligé de. Oui, mais on les connaît, les options. De... Enfin, par exemple, GTA, les codes, c'est des options, mais tout le monde les fait parce que c'est drôle, quoi. Et parce qu'en fait, on est plus patient. Et comme disait Richie, c'est vrai qu'on est plus trop habitué à ça, à se prendre la tête, à chercher un peu. Ça reste des options. On le fait, on le fait. Comme vous pas, dites, c'est un côté cool parce que du coup, ça permet de redécouvrir des vieux jeux. Et parfois, des fois, c'est vrai que sur les nouveaux jeux, on augmente les graphismes, on fait des trucs magnifiques et tout ça. Mais le gameplay du jeu en lui-même, il est vachement simplifié au final. On prend des jeux, je sais rien, moi. Enfin, après, encore une fois, je suis pas du tout un spécialiste. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu. Mais du Prototype, par exemple, 2 ou 3. C'est super bien fait, c'est super beau, ça offre plein de possibilités, mais le gameplay il est hyper basique. Et le scénario sur des gens. Je veux dire, Diablo 1 qui est sorti dans les années 90-97 à peu près, le gameplay était le même, sauf que voilà. Et du coup, là, le gameplay est augmenté, mais enfin, non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que les graphismes sont augmentés, mais le gameplay est amoindri. Dans les vieux jeux, le gameplay était bien plus important, je trouvais. Et la réflexion, surtout, qu'il y avait par rapport au jeu était bien plus poussée que ça. C'était basé sur le gameplay. C'était basé sur le gameplay. Les mêmes possibilités informatiques. Exactement. Donc, tout était basé sur le gameplay. Ce qu'on joue, comment on joue. Et surtout sur la réflexion du joueur. Voilà. Et l'intégration du joueur, parce que c'est vraiment des jeux qui étaient très difficiles. Par rapport à des jeux maintenant qui sont très intuitifs. Et je trouvais ou... ça, j'étais assez admiratif de ça, de ces gens qui se détruisait le cerveau, genre dit ouais mais là comment on peut faire et tout, et je trouvais ça intéressant. Après là ce que vous dites, ça permet de redécouvrir ces jeux là c'est ça, et encore une fois ça reste une option, c'est vrai, voilà, et de pas se prendre la tête et puis de découvrir le truc gentiment sans se prendre la tête justement, et puis passer des heures et des heures et des heures, on peut se garder autant. C'est cette différence fondamentale entre les jeux d'aujourd'hui et les jeux d'avant, c'est plus de la découverte au final. C'était un retour en arrière permanent, on mourait, on recommençait, c'était du par cœur, on avait envie de recommencer, alors que maintenant parfois on joue. Pareil, je suis pas un très grand joueur, etc., mais ça m'est arrivé de jouer. Et on a l'impression parfois d'avoir envie d'arrêter, seulement on réussit la mission, on est pris par une cinématique, on arrive à une autre, un moment de dialogue, on a un autre moment de jeu, on a l'impression qu'on ne peut pas trop s'arrêter, il y a un chrono. Ouais. Et en fait, on avance presque sans le vouloir dans le jeu parce qu'on a l'impression qu'il faut le finir et qu'il y a le prochain qui sort dans un an, quoi. Mine de rien, c'est pas la même industrie non plus, quoi. Il y a ça et un autre truc hyper différent entre les jeux dont vous, enfin le rétro gaming du coup, c'est-à-dire les jeux qui datent, ça doit être quoi, des jeux qui datent des années 90, ça commence même avant, hein, fin 80, 80, il y a les premières consoles Atari encore bien plus avant, et c'est-à-dire que à cette période-là il y avait pas non plus la même abondance de jeux vidéo, c'est-à-dire que maintenant des jeux vidéo il y en a un qui sort tous les deux jours à peu près, quoi. Et là c'était vraiment les, et là il y en a un qui sortait, c'était là que de l'invention tous les jours, et du coup tu l'achetais, donc déjà ça coûtait super cher. Maintenant les jeux on les achète encore, mais ça coûte très cher de neuf quand même encore. Oui, mais je veux dire maintenant, enfin voilà, les jeux sur ordi, il faut pas se voiler la face, comme enfin moi j'ai jamais acheté un jeu sur ordinateur. Ça a toujours été craqué. Et donc maintenant on achète vraiment ce qu'on veut, et du coup quand un jeu on n'y arrive pas, on fait ouais, c'est pas grave, corbeille supprimé, je désinstalle, 4 gigas c'est que dalle maintenant, et j'en télécharge un autre. Alors qu'avant ça se passait pas comme ça, c'est tu venais de payer un jeu, il y en avait pas beaucoup qui sortaient, et du coup tu voulais terminer, quoi. On veut le poncer jusqu'au max, quoi. Exactement, c'est ça, on veut le mais poncer. C'est le côté cool justement de la Recalbox, c'est que on télécharge plein de jeux, et si ça plaît pas, et ben on revient dans le menu, on change de jeu, on essaie un autre, et puis voilà. C'est moi je la vois plus comme une console divertissement où il y a des copains qui arrivent, on peut jouer même jusqu'à 5 là-dessus. Alors ça, je suis d'accord, par contre. Ça, c'est super cool. Un peu comme la GameCube ou la Wii, vraiment console de copains, on est là pour s'amuser et pas justement pour poncer un jeu en solo comme du Zelda, comme du. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a possibilité d'émuler des jeux de bornes d'arcade. Donc, genre du Metal Slug et compagnie. Exactement. Putain, alors voilà. Ça, c'est mortel, par par contre. Ça, tout ce qui est Street Fighter, tout ce genre de jeu est émulé là-dessus. Et donc, il y a toujours le système où on met des pièces, on appuie sur Select, ça met des pièces dessus, on peut avancer dans le jeu. Et c'est assez drôle, justement, de pouvoir avancer. Les jeux de borne arcade, c'était toujours des jeux réputés pour justement pomper l'argent. Exactement, des jeux. La saveur aussi du truc. C'est ça, on a beau ne pas réussir, et puis il faut mettre la pièce et continuer. Là-dessus, on a un moyen de il y avait surtout le tableau de score commun à tous les joueurs. Ça c'était incroyable. C'était génial. Tu marquais ton pseudo et t'arrivais sur la borne d'arcade, ton pseudo qui devait tenir en 3 lettres à peu près. Hein, parce qu'il n'y avait pas trop de... Voilà. Quand on va picoler toujours dans le même rad, et ben on était content de voir... On a l'impression d'être des vieux des années 80. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Et vous avez quel âge, d'ailleurs? Moi, j'ai 47 ans. Moi aussi. Ah, c'est vrai? Non, je déconne. Ah, vous avez quel âge? Je sais pas. D'accord. Et vous, Richie? 10. 10 la peste. 10 la peste. D'accord. Eugène, en tout cas, oui. Vous avez dit ce que vous aviez à dire sur ce sujet? Oui. C'était très intéressant. Ça a lancé un débat que ne pensait pas. Très intéressant et très original. Fructifiant de la station. Et très original pour cette émission, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de jeux vidéo. Non, on n'a pas parlé de jeux vidéo. Jeux vidéo, jeux vidéo débat, il a vite un combat comme un jeu vidéo. Putain. Monsieur Percubaba. Est-ce qu'on peut faire un petit ouillet, s'il vous plaît? Ouillet. Non, un vrai ouillet. David Ouillet. On se fait une petite pause, on s'embrasse, les loups. On se dit à voir, à tout de suite. Something cried over your seals, but you never coming back and sucking on the rims, knowing something showed weeks ago, making on the pride summers of a J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses avec une blague aussi. Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar. La suite, je m'en souviens pas, mais je sais qu'à la fin, ta mère, c'est une pute. Il dit, mais dans ce DVD, il n'y a pas Patrick Timsey. Il dit, si. Et du coup, il achète l'appartement. J'ai passé un super moment, c'était génial. Et j'ai hâte de retourner. J'ai passé 8 longues années à Nantes. Et dès que je suis arrivé, j'ai trouvé cela laid, gris, bon, mort. C'est une ville sans aucun intérêt. Le centre-ville est mort, mort écrit en majuscule, et cela ne s'arrange pas. J'ai dû croiser 4 touristes échoués là en 8 ans, c'est fermé. Et même pour la gastronomie locale, c'est nul. Aucune bonne crêperie par exemple. On s'ennuie à Nantes, les seuls endroits valables et agréables ont fermé. Le tramway, que dire si c'est que c'est rempli de clodos et que ça pue des 8h du mat. Si on vient du fin fond de la Vendée, ça doit passer, mais pour et les alors, autres, c'était fuyez. Fruits de la Station, saison 1, épisode 05, en direct de Nantes avec Richie Booze, Eugène Balek et Jean-Pierre Vernot. On a été très contents et c'est un vrai plaisir d'enregistrer cette émission.